bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Ce serait pas mal que tu te présentes un peu, que tu dises un peu ce que tu fais. Je m'appelle Philippe de Coster et je travaille pour un label qui s'appelle 62 TV Records et qui existe depuis un petit peu plus de 15 ans, qui est basé à Bruxelles et qui sort principalement des artistes belges, mais aussi des gens de l'étranger de temps en temps. Et on est également éditeur. La plupart du temps, pour les trucs qu'on produit, nous sommes éditeurs. C'est un truc qu'on couple un peu lorsqu'on propose un contrat aux gens, parce que quand quelque chose marche bien, grosso modo, t'as plus de chances de retrouver ton investissement via ce que tu gagnes comme éditeur que ce que tu gagnes en vendant des disques ou ce qu'il en reste. Alors, je commence par une première question. Pour toi, c'est quoi les droits d'auteur? Comment est-ce que tu peux définir Les droits d'auteur, c'est lorsque, prenons l'exemple d'une personne qui est toute seule, qui écrit une chanson ou un morceau de musique. Donc, les droits sont divisés en droits de compositeur, droits d'auteur, celui qui écrit les paroles. Il y a également des droits d'arrangeur, parfois. Et voilà, si par exemple toi tu écris une chanson, tu l'as fait toute seule, tu l'as fait tout seul, et c'est l'entièreté de ces droits sont à toi. Alors, si tu veux être rémunéré, par exemple pour un des passages radio, ou si tu fais des concerts, simplement comme ça, tu dois. En passage radio, TV. C'est de toute façon le même, c'est la même chose. À ce moment-là, si tu veux être rémunéré pour ça, tu dois être présenté par une société de droits d'auteur, comme la SABAM ou comme la SACEM. Chaque pays a sa société. Sauf aux États-Unis où il y a trois sociétés différentes. Et grosso modo, actuellement, si tu n'es pas représenté par une société comme ça, tu touches simplement rien. Donc, si tu veux, le fameux mot, monétariser ton art, tu es un peu obligé de passer par là. Voilà. Et ça, c'est une partie des droits. Maintenant, si un artiste décide de travailler avec un éditeur, dans ce cas-là, il cède soit 50% de ses droits, ou 40%, ou 30%, ou 25%, tous les deals sont possibles. Et dans ce cas-là, le rôle de l'éditeur, c'est d'essayer de diffuser un maximum la musique, en partant du principe que il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de rien. Donc, théoriquement, si un artiste et un éditeur s'acoquinent, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire plus que ce que l'artiste pouvait faire tout seul, sinon ça n'a pas de sens. Est-ce que tu connais des gens qui savent vivre de leurs droits d'auteur ou en tout cas sur leur activité créative, musicale Vraiment j'en connais, maintenant je ne vais pas dire que je travaille avec cela, mais je pense que les droits d'auteur, c'est tu peux en vivre à partir du moment où tu as beaucoup de succès. Si tu passes beaucoup en radio, si tu passes beaucoup en TV, si tu fais des concerts où il y a beaucoup de gens, tu peux en vivre, mais je pense que c'est pas une seule source de revenus. Je pense qu'il y a les droits d'auteur, il y a ce que tu peux gagner lorsque tu fais des concerts. Faut pas oublier non plus que si ta musique est utilisée pour un film ou pour une publicité, tu es rémunéré. Tous les gens sont rémunérés, c'est-à-dire l'artiste, l'auteur-compositeur, l'arrangeur, l'éditeur et également le détenteur du master, c'est-à-dire la personne qui a financé l'enregistrement, donc disons le label. Mais je pense que par exemple quelqu'un, en Belgique, tu vois quelqu'un comme Adamo, oui, vit de ses droits d'auteur, mais bon, ce mec a commencé il y a près de 50 ans, quoi. C'est quand même chopé des tubes mondiaux, mais à mon avis, il ne doit pas en avoir tant que ça, quoi. Des gens qui vivent vraiment que de ça. Ben alors, question suivante, c'est que penses-tu de, du téléchargement sur Internet, téléchargement libre, donc les gens qui mettent leur, qui diffusent librement, et téléchargement pirate sur divers blogs, tout ça. Le téléchargement libre, j'en pense rien de spécial, parce que c'est un choix que chaque personne peut faire. C'est quelque chose que je peux comprendre, mais je pense pas que ce soit une très bonne façon de voir les choses, parce que c'est un petit peu comme si tu es un boulanger qui décide de faire du pain et qu'il donne gratuitement. Tu sais qu'à moyen terme, c'est pas possible ce genre de choses. Ou alors tu dois avoir la musique vraiment comme quelque chose dont tu ne veux pas te servir pour gagner de l'argent, et dans ce cas-là, c'est tout à fait c'est comme je sais pas, comme un peintre, tu vois, qui fait ses peintures et qui les offre. Peut-être que ce peintre, il est plombier, et sa passion c'est quand il fait pas de la plomberie de faire de la peinture, et il a pas envie de les vendre. Ou peut-être aussi qu'il a pas l'opportunité de les vendre aussi. Peut-être que si c'était pas gratuit, personne ne l'achèterait. Voilà, mais ça c'est pour le téléchargement libre. Ce que je trouve assez cool et pas totalement stupide, c'est les gens qui disent, voilà, tu peux télécharger mon truc, et si tu veux payer 5€, tu payes 5€, mais je ne t'oblige pas. Ça, je trouve que c'est une formule chouette, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui doivent le télécharger gratuitement en se disant, je vais d'abord écouter ce que c'est, et si les gens aiment bien, en espérant que les gens soient un petit peu... pensent un peu à ça... Je pense que ça, c'est bien, et les gens peuvent revenir en se disant, c'est vraiment cool ce truc là moi j'ai envie de payer quelque chose pour ce que j'ai déjà pris. Le téléchargement illégal, c'est un principe un peu bizarre, c'est simplement comme voler dans un magasin, sauf que t'as très peu de chances de te faire prendre. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai copié des disques sur des cassettes, comme tout le monde. Comme tout le monde maintenant le copie sur son ordi, le grave ou le grave pas. Mais moi, j'ai quand même... Quand je copiais des disques sur des cassettes, je m'arrangeais avec mes copains et on achetait des disques différents. Et donc, il y avait quand même quelqu'un, fatalement, du temps du vinyle ou même au début du CD... Tu étais quand même obligé d'avoir le support physique, parce que sinon tu pouvais pas le copier. Tandis que maintenant tu peux trouver. Moi, je suis pas un téléchargeur acharné, mais je me suis dit une fois, tiens, comment on fait pour télécharger un truc illégalement ? Je suis vraiment pas une bête en informatique, c'est méga con, et c'est facile. Et juste, moi, ce que je dirais là-dedans, dans les gens qui téléchargent illégalement, je leur dirais, j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où la personne n'est pas peur de dire « je suis un voleur ». Et aussi, je trouve qu'il faudrait pousser la logique jusqu'à voler son ordinateur dans un magasin aussi. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais enfin, ce truc-là, tu vois, je peux l'avoir gratuitement ». Par contre, l'appareil qui te permet de l'avoir gratuitement, tu l'as payé. Et donc, il y a quelque chose. Ta connexion Internet, tu la payes. Et ça, en fait, tout le monde trouve ça normal de payer son ordinateur, de payer sa connexion Internet, mais on ne trouve pas normal de payer la musique. C'est un peu bizarre, je trouve, comme truc. Ouais. Et donc, moi, je trouve le mec qui pique son ordinateur à la FNAC, qui parvient à pirater une connexion Internet, et qui télécharge illégalement, et qui reconnaît qu'il est un voleur, j'ai aucun problème avec ça. Parce que je trouve que la personne est honnête et logique. Et je peux ne pas être d'accord, mais je trouve que il y a une logique. Mais tu vois, là-dedans, dans une chaîne, se dire ouais, mais non, ça je paye pas, et tout le reste tu le payes, c'est pas logique ça. Et ça j'ai un problème avec ça. Et aussi, c'est vraiment comme Tu vois, c'est comme ce que je te disais avec un boulanger, quoi. C'est. Tu penses pas que le jour où on peut télécharger le pain, les boulangers auront un gros problème? Voilà. De fait. Alors sinon, est-ce que tu verrais toi un partage idéal en tenant compte donc de tous ces médias, nouveaux médias et tout ça, une manière de partager la culture qui soit idéale C'est un vaste débat, je pense. Mais moi, je trouve que enfin, y a une chose que je trouve assez chouette sur Internet, via des sites tu vois, de streaming, que ce soit en vidéo ou en audio. Ça te permet, si tu as envie d'écouter, tu te dis, tiens, ce truc-là, j'aimerais bien écouter. Bah, tu vas sur YouTube, tu le tapes. Tu le trouves tout de suite. Si tu es connecté à un truc comme Spotify ou Deezer, tu peux quasiment tout écouter. Maintenant, faut aussi savoir que ce truc, la rémunération vers l'artiste ou le producteur ou l'éditeur ou l'auteur-compositeur, c'est vraiment peanuts, hein. C'est genre 2 centièmes de centime par écoute. Donc, t'imagines, avant qu'un mec vive de ça. Des millions d'écoutes. Il faut, mais là, il faut, ouais, il faut, bah, franchement, il faut des millions d'écoutes pour un peu gagner ce truc-là. Par contre, sur Spotify, t'as plein de pubs, quoi. Moi, j'avais une connexion Spotify gratos, j'ai arrêté. Ça me cassait les couilles, quoi. Tu te prends des pubs, c'est insupportable. C'est pire que la radio, quoi. Donc, là-dessus, je trouve ça bien parce que ça permet, celui qui est curieux, il peut en tout cas écouter ce qu'il veut et ensuite décider de vraiment l'acheter ou de penser éventuellement à rémunérer la personne qui l'a fait. Ça, je trouve ça bien. Mais grosso modo, maintenant, avec Internet, tu as un genre de bibliothèque de fous furieux qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je veux dire, t'as des naseries, t'as des trucs chouettes. Bah, c'est la même chose que dans une bibliothèque. Et puis, c'est jamais qu'une question de goût aussi, et d'intérêt. Bon. Mais je pense pas qu'il y ait un truc. Ah, tu vois, je sais pas, un genre de bibliothèque mondiale comme ça disponible. C'est un petit peu ce qu'est Internet, mais Internet dépend aussi de ce que postent les gens dessus. Et donc. Le truc assez génial, par exemple, que j'aime bien, c'est que tu peux écouter un artiste qui est même microscopique dans son village. S'il a une connexion, le mec, il s'est mis dessus. Maintenant, à toi d'aller gratter pour le trouver. Mais c'est un peu la même chose que c'est un peu la même chose que dans tu vois, comme dans une médiathèque, quoi. Les médiathèques, enfin en Belgique, je veux dire. C'était des trucs, t'avais des trucs de fou parce que ces gens achetaient presque tout. Et c'était incroyable ce que tu pouvais trouver là-dedans. Bah oui, Internet a repris un peu ce flambeau. On peut tout découvrir, en tout cas, par ce biais, quoi. Ouais, ma maintenant, il y a toujours. Je pense que sur Internet, c'est toujours les choses qui sont les plus écoutées, c'est à peu près la même chose que ce qui passe à la radio, quoi. Donc, faut pas non plus se dire, ouais, les gens sont curieux de nature. Non, les gens sont pas curieux de nature. Les gens ont envie d'écouter, enfin, la plupart des gens ont envie d'écouter Lady Gaga, quoi. Quand même, se rendre à l'évidence. Et maintenant, si ça peut permettre à des gens de découvrir des choses qui n'auraient jamais entendues par les médias traditionnels, c'est formidable. Mais je pense qu'il faut relativiser aussi. Les gens sont pas très curieux, quoi. Enfin, il suffit de regarder les films qui attirent vraiment des spectateurs, quoi. C'est pas les films d'art et essai, hein. Non, c'est dès que t'as un truc avec des belles gonzesses ou des mecs avec des gros muscles, c'est ça qui marche, hein. Eh bien, alors, genre question suivante. Est-ce que tu as déjà eu, toi, des expériences avec la SABAM ou la SACEM, ou tu connais des groupes qui ont eu des expériences, des trucs particuliers Bah, c'est-à-dire, non, des trucs particuliers. Je veux dire, tu sais, moi, je suis pas amoureux de la SABAM ou de la SACEM. Enfin, simplement, pour le moment, si tu veux être rémunéré pour ça, c'est la seule façon. Maintenant, il y a peut-être quelque chose de plus juste, de plus. Mais qui est vraiment à inventer. Mais le seul problème, c'est que pour le moment, si tu veux vraiment participer, enfin, si tu veux être rémunéré pour ce que tu produis, pour ce que tu édites, il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, presque toutes les sociétés de droits d'auteur dans le monde travaillent les unes avec les autres. Donc, théoriquement, si tu es inscrit à la SABAM te représente ailleurs. Maintenant, c'est un truc un peu administratif. Donc, est-ce que le boulot est bien fait? T'en sais rien, mais je veux dire, si t'étais dans une autre société, ce serait la même chose. Ce serait la même chose. Ce qui est important lorsqu'on est auteur-compositeur ou éditeur, c'est la documentation. C'est que l'information sur une pièce de musique soit bien diffusée partout. Par exemple, si t'es un artiste belge et que tu sors un truc au Japon, mais il faut dire à la SABAM, hé SABAM, mon truc sort au Japon, mettez-vous en contact avec le, je sais plus comment on s'appelle, la JAPSA ou un truc comme ça. Et il faut qu'ils se mettent en contact parce que, fatalement, spontanément, les gens de la SABAM ne savent pas que ton truc sort au Japon. Et donc, à ce moment-là, les gens de la SABAM vont dire, hé, ça sort chez vous, donc regardez bien si ça ne génère pas des droits, et si ça génère des droits, eh bien, ça doit revenir chez nous. Et donc, ça prend 1 an, 2 ans avant de revenir, mais ça revient, quoi. Et parfois, tu vois, nous, on a des trucs, on voit que la SABAM a été recherchée, je sais pas, à 45 € au Japon. Donc, ça veut dire qu'ils font quand même leur job, quoi. Maintenant, je sais que, enfin, la SABAM a une super mauvaise image aussi, parce que tout le monde voit, enfin, les gens voient ça souvent comme, ouais, j'organise un petit concert et la SABAM arrive après, elle me fait payer 250 €. Ça, c'est pas très cool. Maintenant, il y a moyen d'éviter ces trucs-là. Si les groupes ne sont pas inscrits à la SABAM, tu peux dire à la SABAM, oh, SABAM, on fait un truc, mais tous ces gens qui viennent jouer ne sont pas inscrits chez vous et ils jouent leur propre composition. Et nous avons un document qui est signé par eux qui dit qu'ils ne sont pas membres chez vous et qui ne donc il y a pas de raison de leur payer quelque chose. Et si tu le fais, enfin, c'est parfois un peu un manque d'information et c'est un peu comme tu vois, c'est un petit peu comme le code de la route. Si tu fais une connerie, et si tu te fais arrêter par les flics, tu peux pas dire après, ah ouais, mais excusez-moi, je connaissais pas le code de la route. Ben, si tu roules en bagnole, normalement, tu es supposé le connaître, quoi. Bon, voilà, je suis pas en train de dire la SABAM, c'est bien, mais et je trouve ça, je pense que c'est pas très cool parfois la façon dont ils essaient d'aller récupérer du pognon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux de perception de la SABAM sont des sociétés qui sont indépendantes. Donc, fatalement, ils essaient de faire un max de pognon. Et donc, ils doivent ensuite, donc ils se commissionnent et doivent ensuite faire remonter l'argent vers la SABAM. Donc, quand tu travailles à la commission, tout ce que tu as intérêt à faire, c'est à encaisser, à essayer d'amasser un max de pognon. J'avais pas entendu ça, que c'était des finalement privés qui Bah, avaient c'est des bureaux régionaux, hein. Et donc, ils ont une comptabilité à eux. Et tu vois, un truc qui ramène pas de blé du tout, bah, s'il y avait 4 personnes qui bossaient, bah, il y en aura deux après, quoi, hein, voire une. Et donc, voilà, c'est un truc. Maintenant, c'est pas. Ce qui n'est pas chouette avec la SABAM, c'est que en général, aux petits organisateurs, ils n'expliquent rien. Et en fait, il y a différentes façons de payer la SABAM. Tu peux payer un forfait, qui est toujours énorme, ou alors tu payes en fonction des entrées que tu as fait. Et par exemple, ce qui est normal, c'est si tu as fait, je sais pas, 100 entrées à 10 euros, par exemple, tu as rentré 1 000 euros. tu dois normalement payer 80 à la SABAB. Voilà, c'est 8%. Ah ouais. 8% et même c'est 8% du montant des entrées hors TVA. Donc c'est pas encore, c'est un peu moins ça. Mais ça, la SABAM préfère envoyer un truc de 200 euros, quoi. Et la plupart du temps, les gens discutent pas. Et ça, c'est un peu, pas tout à fait honnête comme truc. Mais à partir du moment où tu, enfin, vis-à-vis de la SABAM, tu as toujours intérêt de les appeler avant de faire ton truc. Comme ça, là, tu peux discuter. Mais si tu les as pas appelés, t'as rien déclaré, et qu'à ce moment-là, ils tombent dessus, grosso modo, tu peux simplement faire « Ah, merde !» Mais par contre, y a plein de gens négocient avec la SABAM, mais il y a moyen de négocier. Mais fatalement, la personne qui organise un truc par an ne le sait pas et ne le fait pas. C'est ça qui est un peu... ça qui est peut-être un peu pas tout à fait clair et honnête, mais voilà. Ok, bah merci Philippe du label 62 TV. Mais je vous en prie.